C'est évidemment dans la correspondance de Madame de Maintenon, qui est très importante, on en a répertorié un peu plus de 4000 lettres. C'est dans ces lettres, donc, que l'on peut distinguer, repérer certains personnages qui apparaissent plus fréquemment et avec lesquels il y a non seulement des lettres de Madame de Maintenon, mais un échange, puisque ces personnes lui répondent et ont avec elle une véritable correspondance active et passive. Et parmi ces personnages, j'en ai choisi trois parce que ils représentent un éventail assez large du type d'amitié que pouvait ressentir Madame de Maintenon à l'égard de son entourage. Il faut préciser que Madame de Maintenon redoutait particulièrement les visages nouveaux, qu'elle se déplaçait très rarement à l'intérieur du château de Versailles, et que ses amis, elle les cultivait soit dans son appartement du château, soit à Saint-Cyr, et parfois, pour certains, en particulier le duc de Villeroy, dans sa maison privée rue des Bons Enfants, qui est devenue depuis la rue du Peintre Lebrun, qui se trouve tout à côté du château. Dans ses amis, nous avons, disons, deux grandes sortes de relations amicales de Madame de Maintenon. Les amis de cœur, qui sont ses très chers amis en général des femmes. J'ai d'ailleurs traité cette question pour le catalogue de la future exposition. Il s'agit de Madame de Quélus, Madame de Donjot et de la comtesse de Madame de Dicourt. Avec ces femmes, elle a une relation très étroite et qui confirme cette conformité de sentiment qu'elle a toujours exigée de ses proches. Et puis, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les amis de cour, qui est une d'autres personnes auxquelles on pourrait attacher la tendresse et pour les amis de cour, l'estime. Il est certain qu'on peut estimer quelqu'un sans l'aimer et le contraire. Donc, elle avait ce réseau de familiers et comme je vous l'ai dit, j'ai choisi trois personnes qui font partie de ses amis de cour. D'abord, la duchesse de Ventadour, Charlotte Éléonore, née La Motte ou d'Ancourt, dont la mère était gouvernante des enfants de France et qui elle-même va le devenir, qui occupe une place particulière liée à leur passion commune de l'éducation. Ensuite, j'ai choisi le duc maréchal de Villeroy, François de Neuville. Elle avait pour lui une amitié compatissante et consolatrice devant tous ses déboires militaires et sa nature atrabilaire née toujours sous une étoile noire. Car Villeroy, vous le verrez dans ses propos, est un personnage très mélancolique. Et enfin, le duc de Noailles, Adrien Maurice, qu'elle admirait et choyait tant qu'elle lui avait donné pour épouse sa nièce afin d'en faire son neveu. Charlotte Éléonore de La Motte ou d'Ancourt, elle est née en 1651. Et on l'a mariée en 71 avec Louis-Charles de Levis, duc de Ventadour. Son mari était un débauché, brutal et d'une grande laideur. Toutes sortes d'atouts pour attacher et pour développer l'amour. Ce qui fait qu'elle s'en est séparée très rapidement, au bout de 3 ans, et qu'elle est partie se réfugier dans un couvent à Paris. La princesse Palatine, d'ailleurs, écrit le 15 décembre 1679 « Je suis allé voir Madame de Ventadour. Elle est confinée dans un couvent et ne veut pas venir à la cour ni auprès de la reine, ni auprès de moi. » Ce qui l'a sorti de son couvent, c'est le fait d'être nommée dame d'honneur de madame. À partir de ce moment-là, évidemment, elle a rejoint la cour, le château, elle a obtenu un appartement, et c'est d'ailleurs cette charge qu'elle va garder un certain temps. Saint-Simon nous dit, pour donner un portrait de cette dame, qu'elle avait été charmante, il parle au passé déjà, elle conserva toujours un grand air et un air de beauté et parfaitement bien faite. Nul esprit, voilà la petite pique, de la bonté, mais gouvernée toute sa vie et faite pour l'être. Primi Visconti, lui, disait qu'elle était d'une beauté telle qu'il lui manquait des mots pour la décrire. C'est dire qu'elle devait tout de même, bien que très fréquemment, toutes ces dames, on les annonce toujours plus belles que le jour, donc on ne sait jamais où commence le jour dans cette histoire. Alors qu'elle était dame d'honneur de madame, en 1688, ou à peu près dans ces années-là, elle s'adonne à la piété et fait partie du couvent de la cour. C'était un petit groupe composé des duchesses de Beauvilliers, de Chevreuse, de Guiche. Il y avait Madame de Miramion, il y avait Madame Guyon, et toutes ces dames se réunissaient sous la direction religieuse de Madame de Maintenon. Et elles faisaient ensemble de bonnes lectures et s'étaient excitées à la pratique de la vertu. Fénelon les guidait. Évidemment, cette affaire-là n'a pas duré très longtemps, puisque avec Fénelon, il va y avoir des difficultés. Mais cette couleur de dévotion la fit apprécier par Madame de Maintenon, qui développa pour elle une profonde amitié. Le 12 mai 1692, Maintenon lui adresse une lettre de Compiègne. « Vous êtes bien loin de vos supérieurs, de vos sœurs, de vos règles et des pratiques du couvent, ma chère fille, et ce sera un grand bonheur si vous ne jetez pas le froc, et cependant, il faut tout espérer de votre bon naturel et du soin que nous prendrons de vous quand l'occasion s'en présentera. » Cette allusion à jeter le froc, c'est une allusion directe au fait que Madame de Ventadour avait une liaison avec le maréchal de Villeroy, avec le maréchal dont je vais parler tout à l'heure. Saint-Simon l'a mentionné à plusieurs reprises en disant en particulier « Villeroy se trouva peu à peu lié avec la duchesse de Ventadour, ami intime et de tout temps quelque chose de plus. » Ce quelque chose de plus durera longtemps, aussi longtemps que ne viendra pas une histoire de mariage dont je parlerai en son temps. De mariage, pas d'eux, mais de leurs petits-enfants. En 1701, le 11 juin, après une fâcherie entre Madame de Maintenon et Madame, la Palatine, une fâcherie qui était d'ailleurs toute naturelle, étant donné leurs deux natures, Madame de Ventadour s'entremit pour réconcilier les deux dames. Madame de Maintenon se rendit donc auprès de Madame, veuve depuis peu et inquiète de sa situation auprès du roi. Celle-ci la pria de se faire, oui, donc son interprète. Cet entretien fut aigre-doux, pour finir par une réconciliation de façade. Saint-Simon nous raconte l'épisode. À la fin, Madame de Maintenon se laissa toucher comme elle l'avait résolu. Elles s'embrassèrent, elles se promirent oubli parfait, et Madame de Ventadour se mit à en pleurer de joie. Le lendemain de l'entrevue, Madame de Maintenon écrit à Madame de Ventadour : Je vous conjure, ma chère duchesse, de ne pas souffrir que Madame s'inquiète de la manière dont elle m'aura reçue. La plus grande marque de bonté qu'elle puisse me donner, selon mon goût, est la liberté. Et je me croirais bien avec elle si elle me renvoyait quelquefois ou qu'elle ne me dit pas grand-chose. Voici donc une réconciliation parfaite et qui peut durer fort longtemps puisqu'il n'y a pas d'accroc. En 1703, Madame de Maintenon vient au secours de nouveau de Madame de Ventadour et elle plaide pour qu'elle puisse obtenir la charge de gouvernante des enfants de France, qui était tenue par sa mère, qui ne voulait pas du tout abandonner cette charge. Et puis, comme de l'autre côté, Madame la Palatine ne voulait pas du tout se séparer de Madame de Ventadour, c'était donc un véritable problème. Mais Madame de Maintenon est intervenue et elle a convaincu le roi, et le roi a tranché, si bien que c'est elle qui a obtenu cette charge. Mais avant d'en être sûre, comme elle perdait la charge de dame d'honneur, elle perdait l'appartement qu'elle avait à Versailles. Et Madame de Maintenon lui écrit : Je vous conseille de ne point déloger que je vous le mande. Je trouverais bien mauvais que vous n'eussiez point de logement à la cour. Donc, Madame de Ventadour va donc prêter serment en mai 1704. Et à partir de cette date, on peut dire que l'échange de lettres entre ces deux dames sera entièrement consacré à la santé des enfants. Donc, le premier enfant dont elle s'occupe, c'est le petit duc de Bretagne qui meurt à peine âgé d'un an en 1705, puis le deuxième duc de Bretagne qui est né en 1707. Et pour vous donner l'exemple des conseils de Madame de Maintenon, en voici un. Elle écrit en 1708 à Ventadour : Je vous avertis, madame, comme je vous l'avais promis, que M. Fagon se déclare plus que jamais contre la bouillie. Il prétend que la nourrice a beaucoup de lait, qu'elle n'a pas besoin de ce secours et que M. le duc de Bretagne est trop gros. Voilà, toutes sortes de... Et toute la conversation, leur correspondance tourne autour de cela, la sortie, la parution de la denture, des dents, la dentition, très exactement. Les dents sont comptées les unes après les autres et ça fait l'objet de toute une correspondance. La gouvernante tient au courant très régulièrement Madame de Maintenon de la santé du petit duc de Bretagne et des soucis que lui donne l'apparition de ses dents. C'est au dauphin, puisque les deux ducs de Bretagne sont morts, c'est au dauphin, né en février 1710, que la duchesse maintenant dispense ses soins plus vigilants que jamais. Elle a l'occasion de manifester son autorité lorsque Fagon, qui est un obsédé de la saignée, a voulu saigner le petit duc d'Anjou, qui n'a que 2 ans, parce qu'il avait eu un léger malaise. Madame de Ventadour, Saint-Simon dit : Monsieur le duc d'Anjou tétait encore. La duchesse de Ventadour, aidée des femmes de la chambre, s'en empara, ne le laissèrent point saigner ni prendre aucun remède. La Palatine, d'ailleurs, confirme cette histoire. Elle écrit « Hier, l'enfant avait une forte fièvre. Ils ont voulu le saigner. Mais Madame de Ventadour et Madame de Villefort s'y sont fortement opposées et n'ont absolument pas voulu le souffrir. Elles l'ont simplement tenu au chaud et cet enfant a été sauvé à la honte des docteurs. » À la mort du roi, c'est elle qui conduit le petit duc d'Anjou pour quelques heures encore auprès du chevet de son arrière-grand-père. Puis, conformément à la règle, elle s'en va pour le château de Vincennes. Et une fois à Vincennes, elle écrit à plusieurs reprises d'ailleurs à Madame de Maintenon pour se plaindre de son éloignement. Elle lui écrit « Je me trouve uniquement seul, enfermé dans une cage, plus de commerce avec des amis de 45 ans, plus de conseils à prendre de personne. » Malgré tout, elle trouve le moyen, en mai 1716, de rendre une visite à Madame de Maintenon à Saint-Cyr. Et il faut vous dire que de Vincennes à Saint-Cyr, il y a 40 lieues. Il y a, 8 lieues, ce qui fait 40 kilomètres, et qu'à la vitesse d'un carrosse, ça représente à peu près 8 heures de voyage, ce qui est tout de même une épreuve. Et Madame de Maintenon la remercie. « Il me semble que je ne vous ai point fait assez de remerciements de la visite dont vous m'avez honoré. Je ne l'aurais jamais cru praticable quand je pense que la gouvernante du plus grand roi a fait 8 lieues pour venir passer une heure avec moi. » C'est bien effectivement le temps qu'elles pouvaient être ensemble. Là-dessus intervient un épisode qui rend Madame de Ventadour très malheureuse. C'est que le duc de Villeroy et la duchesse de Ventadour avaient conclu un accord pour que leurs deux petits-enfants, le petit fils de Villeroy et la petite fille de Ventadour, se marient. Mais Villeroy s'est très mal comporté dans cette affaire. Il a soudain trahi la promesse et il a marié son petit-fils, c'était lui le petit-fils, à une Harcourt. Ce qui fait que Madame de Ventadour est très malheureuse et elle écrit à Maintenon « Ce n'est point la rupture du mariage de ma petite-fille qui me fâche, c'est de perdre un ami sur lequel je comptais, d'être auprès du roi, sans aucune consolation, enfermé des deux côtés comme dans une cage. » Nous nous voyons chez le roi sans nous parler. Je me regarde comme une prisonnière d'État. Il faut dire que le château de Vincennes est plutôt isolé et loin, bien sûr. Le 13 février 1717, le petit Louis XV, âgé de 7 ans, est remis aux mains des hommes, c'est-à-dire au duc du Maine et au duc de Villeroy, qui assure désormais son éducation. Cette amitié entre ces deux dames va durer presque pour toujours, en tout cas pour la vie de Madame de Maintenon. Maintenant, je veux vous parler de François de Neuville. Je vais commencer à quelle heure? Il vous reste 11 minutes. Bon. Mais on peut dépasser. Non. François de Neuville. Pour François de Neuville, duc de Villeroy, sa vie avait très bien commencé, puisque son père était le gouverneur de Louis XIV, de l'éducation. Il s'occupait de l'éducation du petit Louis XIV. Si bien que Villeroy et le petit Louis XIV jouaient ensemble, et ont établi une amitié qui a duré toute leur vie. bien qu'il y ait eu une disgrâce après la bataille de... Parce qu'au début, bien sûr, il a remporté des victoires pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, mais au début de la guerre de succession d'Espagne, ce ne sont que des échecs, et en particulier Ramilly, en 1706, qui est une telle catastrophe que le roi le rappelle sur le champ et lui réserve un accueil glacial. Saint-Simon, qui n'aimait pas Villeroy, mais qui aimait-il d'ailleurs, écrit à son retour à la cour, « Les grands airs et les secouements de perruque, la faveur qui soutenait ce vide, était passée. » C'est merveilleux. Le 5 juin, Madame de Maintenon écrit à la princesse des Ursins, « Croyez-vous qu'il y ait un plus malheureux homme sur la terre que le maréchal de Villeroy ? Tout est déchaîné contre lui et ses meilleurs amis conviennent au moins qu'il n'est pas heureux et que c'est un grand défaut dans un général, certainement. » Mais en 1712, devant tous les tristesses, les deuils, Louis XIV se remémore peut-être son enfance et fait venir Villeroy à la cour et lui fait accorder par M. Bloin un appartement, à la stupeur d'ailleurs de la cour. Alors, devant cette faveur soudaine, Villeroy écrit à Madame de Maintenon, écoutez, excusez-moi, « Le roi me traite avec une bonté qui me rappelle à la vie. Je commence à voir les cieux ouverts. Malgré sa joie d'être de nouveau à Versailles et de jouir de la faveur du roi, Villeroy vit toujours sous son étoile noire et se complaît dans sa tristesse. Il mande un billet le 11 mars 1713 à Madame de Maintenon pour quémander un entretien. Quand vous aurez, madame, quelques moments de liberté, vous me ferez un grand honneur et un grand plaisir de me donner quelques moments d'audience pour m'affliger avec vous sur bien des choses. » C'est étonnant, c'est tout le personnage. Il avait aussi pris l'habitude de soumettre toutes ses lettres à Madame de Maintenon avant de pouvoir les adresser à madame, à la princesse des Ursins, car ils étaient extrêmement liés, Villeroy et Ursin. Et c'est à lui que Ursin adresse un fameux mémoire par lequel on pourrait trouver de l'argent pour continuer la guerre. Villeroy le transmet à Madame de Maintenon, qui ne le lit pas et qui le juge impraticable. La question est réglée. Une fois que quand le roi est mort, c'est donc lui qui accompagne avec Madame de Ventadour, puis le duc du Maine, le petit Louis XV à Vincennes. Le maréchal réside maintenant dans son hôtel parisien, l'hôtel Salé, rue de Torigny, qui est maintenant le musée Picasso, et se rend souvent à Vincennes. La réconciliation de Villeroy avec Madame de Ventadour ne s'est pas produite et ils sont restés tous deux dans une grande froideur. Enfin, j'ai quelques instants pour vous parler d'Adrien Maurice, comte d'Ayen puis duc de Noailles. Madame de Maintenon, son aînée de plus de 40 ans, éprouvait une amitié emphatique et admirative pour lui. La méritait-il ? On ose espérer que oui, mais nous ne possédons que de très rares lettres de lui, alors que Madame de Maintenon lui en a adressé plus de 150, si l'on s'en tient à l'édition Champion. Madame de Maintenon, au nom de cette remarquable amitié, a favorisé la carrière militaire de cet homme, qui avait donc épousé la jeune Françoise d'Aubigné, sa nièce. Et il est vrai qu'Adrien Maurice, par son seul nom de Noailles, était assuré d'une carrière heureuse. Saint-Simon nous le confirme, c'est un homme né pour faire la plus grande fortune, quand il ne l'aurait pas trouvée toute faite chez lui. Mais Madame de Maintenon dans les années 1701 en particulier, a écrit plusieurs lettres à Noailles, qui à l'époque est le comte d'Ayen, qui se termine de cette manière et d'une manière tout de même assez surprenante. « Je vous embrasse, mon cher neveu, aussi tendrement que si vous étiez mon fils. » Ou bien encore, « Adieu, mon cher comte, je vous aime tendrement et je vous estime, je m'aimerai infiniment si je ne craignais de vous gâter comme on me le reproche chez vous. » Adrien Maurice prend le titre de duc de Noailles en 1704 et en 1705, il part commander ses troupes dans le Roussillon. Il participe avec Tessé au siège de Barcelone, qui est un échec. Ensuite, il accompagne Philippe V à Madrid et il est fait lieutenant général à cette occasion. Madame de Maintenon lui écrit « Rien n'est plus honorable que la commission dont vous êtes chargé. J'espère que vous allez redoubler vos soins et que vous ne serez pas inutile où l'on vous met. » Et un autre jour, elle lui envoie une lettre d'une modestie tout à fait étonnante. Elle lui écrit en 1710 « Je voudrais, mon cher duc, pouvoir me souvenir de la disposition de cette lettre qui vous a plu, pour en commencer une à peu près du même style, car j'aime fort à vous plaire. Mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'études dans ce que j'écris et dans ce que je dis, et que s'il y a des traits vifs, solides et brillants, on les doit à un beau naturel qui même a été peu cultivé. » Étonnant tout de même d'écrire une chose pareille à ce garçon qui était moins cultivé qu'elle. Enfin, il a repoussé, en 1710, il a repoussé un débarquement anglais à Sète. Et Madame de Maintenon ne tarit plus d'éloges. Tout résonne de vos louanges à Paris, dans les provinces, et partout vous n'êtes pas envié, mais au milieu de tant de triomphes que les poètes chantent et dont ils m'accablent, je sens vos peines et le peu de secours qu'on vous donne. Cette grande amitié va donc durer encore fort longtemps, puisque en 1717, après la mort du roi, bien sûr, le duc de Noailles est nommé président du Conseil des Finances et c'est lui qui obtient l'administration des biens de Saint-Cyr, ce qui va le favoriser un certain nombre de visites à Madame de Maintenon, enfermée dans son institution de Saint-Louis. Et c'est une amitié exemplaire que Madame de Maintenon a prodiguée à son neveu, avec une emphase souvent exagérée, mais qui trahit un désir maternel pour un homme qu'elle admire, et à défaut d'un fils, c'est pour son neveu qu'elle a éprouvé ce sentiment. Je vous remercie. Merci.